Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle de SF d'Aquilegia Nox, réalisée par Jay pour les éditions de l'Avenir. Aquilegia est biologiste et s'intéresse particulièrement à l'évolution, au comportement animal et à l'écologie. Elle est également journaliste pour On a marché sur la bulle. Les éditions de l'Avenir présentent Copier-coller de Aquilegia Nox. Je devais rendre visite à ma mère. Elle habitait à 500 km à peu près. Par l'autoroute, c'était rapide. Par le train, très rapide. Et par les routes de campagne, au moins c'était joli. J'étais pressé. À cause d'un imprévu, je n'avais plus qu'une demi-journée. Mais une promesse est une promesse, surtout à sa mère. Déjà que je n'y allais pas souvent, vous comprenez. La pauvre femme n'aurait pas compris que son fiston ne tienne pas sa promesse. Je la connaissais comme si elle m'avait fait. Elle devait se réjouir depuis des jours. Je l'imaginais déjà en train d'en parler à ses copines, entre deux tricots. Je la voyais se gargariser de sa propre chance devant les... Oh, comme tu dois être heureuse. Ma fille ne vient plus guère me voir depuis qu'elle m'a mise dans cette pension. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir si on m'enterre demain, pour l'héritage. Et puis les... Ah ben moi, mon fils est mort il y a longtemps, alors... Ou bien les... De toute façon, les miens avec leurs enfants, ils n'ont plus le temps de rien faire. Je ne pouvais pas la laisser dans l'expectative, et puis me désister à la dernière minute. C'était cruel. Il me restait bien une solution. Un moyen de transport plus rapide que tout. C'était encore un sujet qui avait déplacé les foules. Les pour qui s'étaient effectivement déplacés bien plus vite que les autres, et puis les contre qui se mouvaient en masse dans les rues avec panneaux et slogans. Ça m'avait rappelé les bons temps des débuts des OGM, du nucléaire, etc. Tout le monde était abreuvé de données contradictoires et devait louvoyer entre information et désinformation. Une chatte y aurait perdu ses petits. Entre les spécialistes accusés de corruption et les ignorants à grande gueule, il restait à chacun son intuition, qui n'est pas forcément de bons conseils. Bref, je devais aller voir ma mère. Je n'avais pas le temps pour la route, pas le temps pour le train. Il ne me restait plus qu'une solution. Opter pour le téléporteur le plus proche. Le principe en était simple. Il désorganisait toutes les molécules du corps et gardait en mémoire toute l'information concernant l'individu. Absolument tout. Jusqu'à la place du moindre atome. Les atomes et l'information étaient véhiculés le long de câbles, un peu comme pour le téléphone, et puis tout était rassemblé à l'arrivée. Un vieux rêve de l'humanité, en somme. Une fois à destination, on se retrouvait tel qu'au départ avec ses souvenirs, ses boutons sur la figure et son costume froissé. Même les plis de costume étaient respectés. Il n'y avait aucun effet secondaire, aucun inconvénient. Il suffisait de sortir de la machine pour laisser la place au suivant, et le tour était joué. Comme un email copié-collé. La seule restriction était la distance. Au-delà de quelques centaines de kilomètres, il fallait procéder par étapes. Je devais aller voir ma mère. Je me suis donc déplacé, à pied, jusqu'au téléporteur le plus proche, celui du coin de ma rue. C'était un peu comme un bureau de poste. On faisait la queue, on payait par carte, on composait le code d'arrivée, et puis on rentrait dans la cabine. Pour les jours où il y avait un peu de monde, on pouvait même s'asseoir sur les chaises prévues à cet effet. Parfois, les personnes âgées avaient du mal à faire fonctionner la cabine. Elles n'étaient pas sûres du code ou tapaient par mégarde celui de leur carte bleue. Et il fallait faire venir un employé pour réinitialiser la machine, sans annuler le paiement. Ce jour-là, comme on était vendredi, il y avait un peu de monde. Je n'avais jamais utilisé la machine, j'avais toujours trouvé une bonne excuse pour y échapper. Mon intuition me disait que c'était une mauvaise idée. Je n'aurais pas su expliquer pourquoi, car le principe en était tellement merveilleux que cela tenait du conte de fées, le déplacement instantané. Adieu les bouchons, les attentes, c'est quand même quelque chose, non? Ce jour-là, pour ma mère, j'avais décidé de faire confiance à la technique. Je m'assis sur un fauteuil bleu, la couleur de la compagnie de téléportation, en attendant que les autres voyageurs passent chacun leur tour. Il y avait un cadre pressé qui pianotait sur son attaché case en discutant avec une grand-mère qui tenait son petit-fils dans les bras. Il y avait aussi une femme d'une trentaine d'années avec un énorme chien, un genre de dog à poils longs, baveux et exubérant. Je repensais au film « La mouche » et m'imaginais, en riant nerveusement, ce que pourrait donner un mélange de cette femme et de son chien. Je passais une main moite sur mon pantalon. Tout compte fait, à quelques minutes de passer à mon tour dans la machine, ce genre de pensée ne m'amusait pas du tout. Je les chassais de mon esprit. Deux enfants accompagnaient leurs parents. Des jumeaux, en tout point identiques, habillés de la même manière, affichant les mêmes expressions. Deux petites têtes blondes, avec un nez en trompette et des taches de rousseur. Ils entrèrent dans la machine. Il restait une dizaine de personnes avant moi, dont la dame au chien. Au-dessus de la cabine, un écran de télévision diffusait une série de clips musicaux et, de temps en temps, les titres du journal télévisé. Je le contemplais d'un œil distrait. Une nouvelle attira cependant mon attention. Volet technologique maintenant. Un nouveau modèle de téléporteur permettant de passer outre la distance intercontinentale a été mis au point. Son utilisation sera plus onéreuse que celle du téléporteur classique, mais il permettra de faire le tour du monde de façon presque instantanée. Le principe en est simple, seule l'information sera véhiculée et non la matière. Chaque cabine de ce nouveau type de téléporteur réassemblera l'utilisateur à base d'une matière première locale. Un nouveau modèle de téléporteur avait été mis au point. Il permettait de passer outre la distance intercontinentale avec efficacité. Son emploi serait un peu plus onéreux que celui du classique, mais on pourrait faire le tour du monde en un clin d'œil. Le principe était simple. Cette fois, seule l'information était véhiculée, pas la matière. Chaque cabine réassemblait son utilisateur à base d'une matière première locale. Cela me laissa rêveur. Si, à partir d'une simple information, on pouvait assembler un humain entier avec son vécu, ses souvenirs, ses rides et son arthrose, pouvait-on en fabriquer deux ? Si on pouvait en fabriquer deux, qui serait l'original ? Existerait-il seulement encore ? Encore pire, quelle était la différence entre les atomes de l'original et des atomes lambda issus d'une réserve de matière première ? A priori, aucune. Celui qui sortirait de la machine serait-il vraiment moi ? C'est moi. Ou bien un autre en tout point semblable à moi, ah non, ça c'est moi. Mais non, c'est moi. C'est qui ? Ma mère ne serait sans doute pas capable de faire la différence, mais dans le doute, il me semblait malhonnête de risquer de la tromper sur la marchandise pour avoir voulu gagner du temps. Je pris mes affaires et sortis de la pièce. Tout compte fait, j'irai la voir la semaine prochaine. Les éditions de l'avenir vous ont présenté Copier-coller de Aquilegia Nox, avec Jay dans le rôle du narrateur, K00, Sylvie M et Sylvie dans le rôle des vieilles dames, et Christian Martin dans le rôle du présentateur du journal télévisé. Les morceaux musicaux sous licence Creative Commons s'intitulent respectivement Le repas de l'ange noir de ANKH et Parasite de D. Chatten. Vous pouvez retrouver ces artistes en visitant le site www.jamendo.com. Ce texte est diffusé sous licence Art Libre. Vous pouvez le retrouver sous sa forme originale en visitant www.inlibroveritas.net. Cet enregistrement est une production des éditions de l'Avenir et a été réalisé par Jay. Toutes nos productions sont disponibles gratuitement via notre blog à l'avenir-audio.canalblog.com. Retrouvez Copier-coller ainsi que d'autres fictions sonores sur www.dramadiffusion.com. Merci de votre attention et à bientôt. C'est qui ? C'est moi. Vous trouverez plus d'infos sur l'auteur à www.brumedargent.net. Plusieurs de ses textes paraissent sur le site de In Libro Veritas à www.inlibroveritas.net. Jay, le narrateur et réalisateur, est également producteur d'audiodrama en français. Vous le trouverez à www.dramadiffusion.com. Vous trouverez cette production et plusieurs autres à l'avenir-audio.canalblog.com. Et voilà. Merci de votre attention. À bientôt.